Chapitre 15. Une heure après, toute la compagnie était de retour au château et ces messieurs prenaient au salon le madère, que Maxime, fortement appuyé par Derieux, avait déclaré tonique, après le bain surtout, lorsqu'un domestique annonça M. de Garmante. « Eh, bonjour, mon cher voisin, s'écria Passemard. Quel bon vent vous amène? Il y a une éternité qu'on vous a vu. » Le comte salua Madame Passemard et André avec cette aisance qu'il nuançait de respect pour les femmes et d'un peu de hauteur pour les hommes. Il tendit la main à Henri et fit d'un coup d'œil rapide l'inventaire des trois amis de Maxime qu'on lui présenta. « J'espère, monsieur le comte, que vous voudrez bien nous faire l'honneur de rester à dîner. » Hector lança un regard sévère à sa femme, car il lui avait défendu d'employer les formules qui témoignent d'un respect suranné pour la noblesse. « C'est un anachronisme, ma bonne, disait-il. Nous ne sommes plus sous l'Ancien Régime, mais c'était plus fort qu'elle. En dépit de la nuit du 4 août, M. de Garamante lui faisait tant d'effet. » Le comte finit par accepter l'invitation et resta seul au salon avec Madame Passemard, tout le monde s'étant retiré pour faire un bout de toilette avant le dîner. « Eh bien, madame, que devient-on au Charmy ?»« Mon Dieu, nous vivons très tranquilles, très retirés, comme toujours, à la campagne. » « C'est pour la première fois que nous avons du monde aujourd'hui, ces amis de mon fils que vous venez de voir. »« Et mademoiselle, votre fils, accommode sans trop de peine de cette solitude ?»« Mais oui. » »« L'année dernière, elle s'ennuyait et ne parlait que de revenir à Paris. Cet été, je trouve qu'elle a tout à fait pris son parti de la vie à la campagne. »« Travaille-t-elle toujours beaucoup ?»« Elle néglige un peu sa peinture. Mais en revanche, elle s'occupe beaucoup de musique et fait de la littérature avec M. Mareuil. » Ils lisent ensemble à haute voix des vers de Victor Hugo et de Baudelaire. Précisément. Ils s'amusent à réciter des scènes de théâtre. Hernani, Marion Delorme, La nuit d'octobre. Est-ce que je sais, moi? Ah, vraiment? Oui, je n'en suis pas fâché. Cela fait passer le temps, ma fillette. Il est très instruit, M. Mareuil. André dit qu'il sait tout. Et mon mari pense qu'il fera son chemin. Nous sommes bien heureux de l'avoir. La conversation fut interrompue par l'entrée des jeunes gens dans le salon. Muguet seul avait endossé l'habit noir, ce frac irrésistible qui constituait à lui seul l'esprit, le savoir, l'originalité, le talent, la raison d'être du petit baron, et qu'un philosophe aurait pu appeler la cause finale de M. de Salmery. Il ne passait pas les fortifications sans l'emporter dans sa valise. Un bouton de rose blanche cueilli dans un massif remplaçait ce soir-là sa fleur favorite. André, Maxime, M. Passemard, Henri entrèrent l'un après l'autre et l'on se mit à table. La politique fit d'abord à peu près tous les frais de la conversation. Passemard crut devoir exposer son programme, bien qu'il fût évident que le comte prêtait seulement une attention distraite à ce ramassis de balivernes qui servait d'idée politique au futur législateur. M. de Salmery paraissait au contraire l'écouter avec intérêt, lui donnait discrètement la réplique, et se laissait convaincre avec beaucoup de bonne volonté lorsqu'il n'était pas d'accord avec lui. M. Passemard commençait à trouver ce jeune homme plein de mérite et s'indignait intérieurement de voir André négliger le baron avec une désinvolture voisine de l'impolitesse. La jeune fille, en effet, répondait à peine à M. de Salmery, lui parlait encore moins et, suprême outrage, n'avait paru remarquer ni la rose ni le frac. Elle adressait à tout propos la parole à Henri, d'un bout de la table à l'autre. Flatté d'abord dans son amour-propre, qui donc est insensible aux attentions d'une jolie femme, et charmé de voir le peu de cas qu'André paraissait faire de Salmery, Mareuil se sentit un peu gêné lorsqu'il s'aperçut que le regard clair de M. de Garamante ne quittait pas la jeune fille. Il feignit alors de prendre part à la conversation de Maxime et de Passérieux. Ce dernier racontait à son ami qu'il avait emprunté le mail coach et quatre chevaux de Derieux pour s'exercer à conduire four in hand sur une grande route, que le dernier mot du chic était de prendre du monde dans son mail pour aller de Paris à Saint-Cloud, par exemple, et de faire payer la place de chacun. Que cela se faisait beaucoup à Londres, le duc de Hertford ayant donné l'exemple. Et Maxime ouvrait de grands yeux en songeant à la gloire conquise par le duc de Hertford. « Mère, dit tout à coup André, tu ne te doutes pas que j'ai failli me noyer aujourd'hui? Je n'ai pas voulu te le dire sur l'eau pour ne pas t'effrayer. Alors donc, tu es folle, j'étais là. « Tu n'as pas tout vu. À un certain moment, je me suis senti les jambes prises par ces horribles herbes. Et j'ai eu peur. Je me suis jeté sur M. Mareuil, qui m'a soutenu avec beaucoup de sang-froid. Grâce à lui, j'ai pu me dégager. Et voilà. »« Mes sincères compliments, M. Mareuil, dit le comte. » Henri, qui maudissait déjà l'idée que la jeune fille avait eue de raconter ce prétendu sauvetage, sentit redoubler son dépit, car il crut voir une pointe d'ironie dans les paroles de M. de Garamante. On passa au salon. « Êtes-vous sûr qu'il lui désherbe ?» lui dit le comte à voix basse, avec le plus railleur de ses sourires. « À propos, » fit Passemart, « comment se fait-il que vous veniez si tard vous installer au pavillon ? Qu'êtes-vous donc devenu depuis 3 semaines ou 1 mois qu'on a eu de vous signe de vie ?»« J'ai voyagé, mon cher Passemart. J'ai de vieux amis en Italie, la tribune et le baptistère, le palais de Saint-Marc et le Vatican. Je suis allé leur faire une petite visite. » « Ah, bah !» « Mais oui, cela m'arrive tous les 5 ou 6 ans. Je ne puis me passer d'eux plus longtemps. Vous savez, les amis de jeunesse, on ne peut les oublier tout à fait, n'est-ce pas, monsieur Mareuil ?» Le jeune homme tressaillit et ne répondit pas. Il se leva au bout d'un instant pour aller rejoindre les amis de Maxime qui fumaient au billard. La présence de monsieur de Garamante lui devenait tout à fait intolérable, mais sans doute ce départ ne fit pas le compte de celui-ci car il s'écria « Attendez donc, monsieur Mareuil. Vous fumerez tout à l'heure, que diable, j'ai quelque chose à vous remettre, et à vous aussi, mesdames. Hein, par exemple, et quoi donc ? Mais des lettres, apparemment, des lettres de votre ami à tous, monsieur Jacques Henriot. Hein ? Dit sèchement André. Elle tendit la main pour prendre la lettre que le comte lui donna, la mit tranquillement dans sa poche, et continua à remuer le sucre dans sa tasse de café. Vous l'avez donc vu ? Dit Henri en rompant le cachet. Mais oui. J'ai passé près d'une quinzaine en tête-à-tête à Rome avec lui. Nous avons couru ensemble les musées, la campagne, et passé des nuits à bavarder dans son atelier. Quel charmant compagnon. Autant de cœur que d'intelligence et de talent. Comme il savait que je revenais directement ici, il m'a chargé au départ de sa correspondance. Ce bon Jacques, dit Madame Passemart, c'est pourtant vrai qu'il est parti depuis plus de 3 mois, comme le temps passe. Sais-tu, Bichette, c'est très mal ce que nous faisons. Nous ne l'avons pas encore écrit. C'est à peine si nous avons parlé de lui, un si brave garçon. Et comment va-t-il ? Porte-t-il de la flanelle au moins, monsieur le comte ? Madame, excusez-moi, je suis impardonnable. J'ai négligé de lui demander. Oui, reprit-elle en repliant sa lettre. Les nouvelles qu'il me donne de sa santé sont bonnes. Eh bien, André, tu ne lis donc pas ta lettre ? Tout à l'heure, maman, j'ai le temps. Et vous, monsieur Mareuil, avez-vous des nouvelles intéressantes dans la vôtre ? J'ai seulement jeté un coup d'œil sur la première page et je vois qu'il m'y parle surtout de son travail. Monsieur Mareuil, dit le comte, voici monsieur de Salbris qui vient nous remplacer auprès de ces dames. Allons fumer une cigarette, voulez-vous ? Il me semble que vous devez avoir hâte de m'interroger sur votre ami. Henri se leva et le suivit presque machinalement, car les émotions successives de cette journée l'avaient brisé. Monsieur de Garamante l'entraîna sur le perron et quand ils furent seuls, « Monsieur, votre ami, qui est devenu le mien, m'a montré, et j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, une lettre de vous, où il est longuement question d'une jeune fille qu'il aime. Votre lettre est un fort joli morceau de style. J'ai surtout remarqué un passage où sont analysées avec beaucoup de délicatesse et de clairvoyance certaines ambiguïtés de sentiments que vous reprochez à cette personne. Si vous avez fait un brouillon, et je ne pense pas qu'une aussi fine étude de caractère ait été improvisée, relisez-le. » « Méditez-le, monsieur. Vous vous apercevrez peut-être que vos observations si pénétrantes sur les sentiments hybrides, vous savez, les sympathies intellectuelles, les affections mixtes qui flottent sur les frontières de l'amitié et de l'amour, sont d'une vérité plus générale que vous ne le supposiez sans doute en écrivant cette page, et qu'elles peuvent s'appliquer à d'autres qu'à de faibles femmes. Bonne nuit, monsieur. La soirée est un peu fraîche. Je vous quitte. » « Qu'avez-vous donc fait de M. Mareuil ?» demanda André. Je l'interrogeais, mademoiselle, sur le sens d'une expression que j'ai rencontrée ces jours-ci en feuilletant un vieux chroniqueur. « Ah, y a-t-il pu vous répondre ?»« Non. »« Maxime, prends le dictionnaire, veux-tu ? Et cherche. Quelle expression ?»« Faire la garde du loup, mademoiselle. » Le jeune homme cherche assez longtemps et finit par trouver « Faire la garde du loup, expression féodale. » se disait du chevalier félon qui, chargé de veiller sur une dame en l'absence de son servant, cherchait ou parvenait à la rendre infidèle. André se leva brusquement et sortit en lançant à M. de Garamante, souriant, le plus mauvais regard que prunelle de femme ait jamais dardé.